oublie trop vite dans les parfums, des vapeurs que le cœur ne veut plus connaître. Et dès lors qu'on les agite, le mariage des saveurs hésite à s'y remettre. Alors buvons cette histoire si vite que son souvenir y réfléchisse, chacun des vers qui compatissent. C'est un nouveau tour de piste sur des heures aussi blanches que les nuits qu'elles envahissent de chimères, sans même une chance qu'un lendemain elles aboutissent. Regret ou du remords, j'ai du mal à me rappeler lequel frappe d'abord, et s'il faut les distinguer, qui de l'ombre ou du corps vient en premier à nous manquer, et lequel porte alors le dernier coup. Et sans trembler, alors buvons cette histoire si vite que son souvenir y réfléchisse, chacun des vers qui compatissent. C'est un nouveau tour de piste sur des heures aussi blanches que les nuits qu'elles s'envahissent de chimères, sans même une chance qu'un lendemain elles aboutissent. Sans respirer, vidons la mer de cette bouteille qui s'éternise sur l'avenir, qui n'en veut pas, qui sait déjà dans quelle valise toute cette histoire finira. Si on en reste à cette emprise, le cœur n'en est plus là et ne souhaite pas qu'on l'en attise. Oublie trop vite dans des parfums, des vapeurs que le cœur ne veut plus connaître. Et dès lors qu'on les agite, le mariage des saveurs hésite à s'y remettre.